écouter. Vous avez sollicité mes bas instincts suscités. Ta-da-da-da. Vous m'avez sollicité, je pouvais pas lutter. Qui cherche depuis le début, mais qui chante, je le connais, c'est un chanteur extraordinaire. Ben oui, c'est Étienne Dao avec. Hey, wop, wop, wop, wop. Merci. C'est Étienne Dao. Non, j'ai entendu le. Je croyais qu'il allait entamer une autre chanson sans même que je lui dise de commencer. Quoi que c'est lui le patron, hein, c'est pas moi. Moi, je ne fais que passer des chansons dans nos oreilles attentives, attentives. Comment ça va, vous? Alors, pendant toute l'émission, ce que nous allons entendre, ce sera cet album-là, Pop Satori, d'Étienne Dao. Il y a déjà 35 ans qu'il l'a écrite. Saviez-vous quelque chose? Oui, ben je sais, vous connaissez, vous êtes d'une culture infinie. Mais Étienne Dao, quand il est parti pour enregistrer ce disque-là, il avait la musique, mais aucun mot, aucune parole. Donc, c'est en studio. Avec rapidement, il a écrit des trucs et ça a donné ça. Gainsbourg faisait souvent ça aussi. C'est pour ça que Étienne Dao était un grand ami de Gainsbourg. Ben, peut-être pas ami, mais il adorait Gainsbourg et Gainsbourg aimait bien ce jeune homme. Et on le voit à quelques reprises, même Dao faire une rencontre télévisuelle avec Gainsbourg. Et on sentait que... Puis même une Nuit Blanche avec Ardisson, Lunettes Noires pour Nuit Blanche, quelque chose de genre. Je me trompe très peu là, sur le titre. Là. Ça embrasse un peu le thème, ou en tout cas les grandes idées du titre de cette émission-là. Donc, c'était des bonnes émissions, comme le vieux qui raconte. Dans ce temps-là, c'était tellement merveilleux. Aujourd'hui, mais c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de polémistes. En connaissez-vous? Si oui, on les entend pas. Ils sont morts. Ou ils sont pas forts. Ou on baisse le son. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher là, t'sais, la petite sensibilité là, que l'on a là, à se faire dire des choses et des vérités souvent qu'on veut pas entendre. On veut pas les entendre. Ils sont pas gentils. Puis là, quand ils sont là, puis ils nous divulguent ça au tympan, ben on se dit, il a raison, elle a raison. Ah ben oui, ben il en reste pas beaucoup, mais en disant elle a raison, il y a Brigitte Fontaine. Au Québec, Jeannette Bertrand. Mais à part ça, si vous en connaissez, écrivez-moi à reynaldquebec@commercialhotmail.com, RAYNALDQUEBEC@commercialhotmail.com. Hotmail, là, c'est hotmail.com, hein? Bon. Et, balancez-moi des noms et je vais le dire en ondes et puis on va en parler. Je vais faire des recherches. Ouais, ben, il y en a tellement, mais ils sont passés. Ils ont même trépassé. Ils sont pas juste passés, ils ont trépassé. Monsieur, oui. Ma belle Agnès, je t'ai invité, hein, il y a 3 semaines, à une belle soirée. Et tu m'as dit oui. J'étais tellement heureux de ta vision positive de cette belle rencontre que l'on a eue. Ah, mon... Là, je me suis dit, pour rencontrer Agnès, première rencontre, tu sais, ben, bon, Internet, là, mais quand on est dans le réel, là, c'est plus la même chose, là. Là, on est là dans l'authenticité autant qu'Internet pour les gens qui sont purs et chastes, hein, qui ne peuvent pas trahir leur véritable profil. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Moi, là, selon mes observations, il y aurait peut-être 15% des individus et des individus. Les individus, ça se dit pas, je sais, M. Tremblay, ne riez pas et ne dites pas. On l'a trouvé, cet escroc de la langue française. Il s'appelle Rénal Gagné. Je sais, mais c'est pas moi. Ben, c'est moi, Rénal Gagné, mais c'est pas moi l'escroc. Parce que c'est une blague. Faut bien rigoler un peu, hein? Pas trop, OK. Surtout pas à cette heure-là. Cette journée-là. Hein? Jamais rigoler un lundi. Mais tu sais, il y a toujours des gens 100%, tu sais, dans la positivité. Non, parce que ça peut porter à confusion. Dans la joie de vivre continuelle. Même le lundi, là. Ah, ça me dit encore de me compter. Il se réveille. Oh, je suis réveillé. Je suis vivant. Oh, c'est beau. J'entends des oiseaux. Je vois les oiseaux, les couleurs, le beau ciel. Hey, relax-toi, là. Relax, là. T'es pas rendu à vendredi. Là, j'aimerais bien que tu t'excites aussi intensément un vendredi en fin de boulot. Moi, j'aime ça travailler. C'est beau, c'est agréable, les collègues de travail. Mais tu travailles où, toi, là? Dis-nous ça, tout le monde veut aller là-bas. Là, t'es pas obligé, là. T'es pas un esclave. Un esclave, c'est Antoine, ne sommeille pas. Tu y vas par liberté, parce que oh ben, oui, je rencontre des gens qui m'aiment, qui m'enrichissent, puis mon portefeuille, ben pendant ce temps-là, mon patron m'en envoie dans le portefeuille, puis ça me peut permettre de faire des petites sorties, puis tu sais, de rendre la vie tolérable. Mais elle trouve pas la vie tolérable, non, ou lui, elle, ou elle, lui, elle, ou lui, il trouve pas la vie tolérable, mais elle est déjà fantastique. Elle a tombé dans un punch, un punch éclatant. Puis tant mieux, tu sais, c'est pas toujours négatif, mais il y a toujours le ronchouillard. Le ronchouillard, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jamais content. Il se réveille, quand il a pas pris son café, il est pas parlable. Quand il n'a pas lu la première ligne de son journal, quoique c'est quand même un préhistorique, ce bonhomme-là, il a un journal. Papier, là, pas le journal cybernétique, le papier, là, il prend sa langue, il s'étire la langue, là, puis il prend ses deux doigts, puis après ça, il tourne la page de son journal. Puis quand il tourne la deuxième page, là, il y a encore l'encre qui goûte. Là. Il dit, c'est un journal. On peut lire, il y a la texture, il y a la senteur, puis il y a le goût, hein, il y a le tout est... C'est un schème, c'est la dialectique, hein, la thèse, l'antithèse, la synthèse, tout est là-dedans, dans un journal, quand tu l'entends, quand tu tournes la page et à l'oreille, ça froisse, puis après ça, c'est beau, mais là, c'est de moins en moins beau, parce qu'il y en a, on les retire, parce qu'il y a des arbres, là, qui périssent pour de l'insignifiance, souvent, là. Le peuple aime bien lire un journal insignifiant. On n'en nommera pas, mais dans chaque pays, il y a un journal insignifiant. C'est celui qui se vend le plus. Celui qui se vend le moins dérange. Ausculte. Peut-être avec un peu trop. Comment dire? Un peu trop de... Ah, mon Dieu. Les gens qui sont... Comment t'appelles ça? Donc, les... Ouais, Madame Thibodeau, vous aimez ça? Vous, des... les puristes. Peut-être que les journalistes sont trop puristes. Puis quand tu es trop puriste, c'est pointu. Et quand c'est pointu, ça demande une réflexion. Et quand ça demande une réflexion, ben on aime ça du tout cuit, tout prêt, tout préparé. T'as juste à gober. T'sais. Politique, tu gobes. Le journaliste a pensé pour toi, t'as pas à réfléchir, champion. Lui, il sait tout. Il te dira tout. Il va même te dire, peut-être par la porte d'en arrière. Je te conseille pas la porte d'en arrière, ça fait mal, hein, s'il vous plaît. Ça dépend, là. Il faut quelques... il faut que ça soit visqueux. Ben, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais il va te dire tout ça. Parce que c'est lui qui maîtrise le chemin et qui connaît la direction. La direction tout du journal, hein? La direction de la politique que l'on doit emprunter actuellement, dans ce moment précis de notre existence, parce que là, nous sommes en conflit interplanétaire entre les intras et les extras qui veulent avoir du fromage partout. Tu sais, moi, c'est bien beau commander un extra, mais là, si les intras veulent de la croûte dans le fromage, entre le fromage, pas dans le fromage, entre le fromage, puis ben, en plus, ma pizza ma lasagne, n'importe quoi, sur le dessus, a également du fromage. Qu'arrivera-t-il? Aurons-nous une société constipée comme maintenant? C'est bien dit, là. Mais non, mais je suis fâché, moi. Quand je suis fâché, là, je suis comme blanc fromage. Puis je m'étire pas. Surtout pas. Paris, c'est fun, on terrasse à tabler. Regard lourd de sens et connivence pour qui cherche une main. Je n'attends vraiment rien, je viens pour y lire des bouquins. Arthur Miller, puis faut que j'aille traîner sans raison, sans raison. Sans raison, de pleurs en frime, Paris déprime, Saint-Germain s'illumine, se fondra. Je ne fais guère attention, les dessins j'ai dans ces cartons sont mon unique passion. L'arrêt ma raison. Oh, l'arrêt ma raison. Oh, l'arrêt ma raison. Oh, l'arrêt ma raison. Si jamais d'aventure je recherche la Paris, le flanc, où tu me dis je t'adore. Si jamais d'aventure je recherche l'aventure, Café Paris. Sans raison. Pendant que mon ami Étienne Dao a chanté sa chanson de son album Pop Satori. Hey! Ah, oh, ça commence. Ok, je comprends. J'ai mal placé mes affaires. Il y a toujours un petit bout de pic, spring. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire, donc? Il m'a dérangé, là. Ah, ben lui, il m'a dérangé, là. Là, mon Étienne, on va l'appeler Étienne. C'est vous, Gaspati, la chanteuse? Étienne, Étienne, Étienne. Oh, tiens-le bien. Ah, joli, hein? Je suis un imitateur, moi. On dirait que c'était elle. Elle était à côté de toi, là. Ah, attention. C'est une danseuse, hein? Oui, avant d'être chanteuse, elle était danseuse. On parle d'Étienne. Pas d'Étienne, on parle de Gaspati. Et on dit, c'est malin, ça. Étienne, ça, c'est Étienne Dao. Pop Satori, qui est sorti en 86, mais enregistré en 85 au studio de l'Oncle Sam. Ça, c'est un studio extraordinaire à Paris. Mais c'était, parce qu'il n'existe plus, comme bien des endroits extraordinaires. Tout ferme, puis même j'ai bien peur que ça s'améliore si un jour ma bouche se ferme. Non, mais c'est vrai. Pour mes rétractaires, ceux qui m'aiment pas, ouais, je parle pas non, je parle pas des blé d'Inde, là, mais ceux qui maïssent, blé d'Inde, maïs, la comprends-tu? T'sais? Ouais, moi, les blagues à 5 balles, là, j'en ai rien à cirer. Ouais, mais c'est bien parce que mon plancher, c'est du plancher flottant. Puis si tu mets de la cire là-dessus, là, de 1, ça va briser mon plancher flottant. Il ne flottera plus. Non. Puis il y a de la misère à. Oui, il se noie, là. Plus il flotte, plus il se noie. C'est comme mon poisson rouge. Ouais, Oscar, tu le connais, toi. T'écoutes mon émission depuis le début. Tu abuses, ma chérise. Es-tu la cerise sur le bombé ou le bombé sur la cerise? Je te conseille la cerise sur le bombé. Parce que si le bombé, si t'es en dessous du bombé, ça risque de très mal se passer. Qu'est-ce qu'un bombé? Ah, ben là, il faut avoir. Avez-vous le lexique canadien? Avez-vous acheté le dictionnaire des rances canadiennes? Il se vend à 2,52 $ chez Bisparat, la lecture improvisée, sur toutes les rues de la planète. Les rues francophones, anglophones, on ne veut rien savoir. On veut, toutes les rues anglophones, on ne veut rien savoir de ça. Entre Peel, Papineau, on préfère Papineau. Tu sais, Peel, on veut plus rien. Non. Entre rien. Ah, tu sais, le grand silence est du haut et du bas. Ah, mon Dieu. Moi, quand je me lave, là, j'aime bien passer vers le bas sans montrer trop vers le haut parce que j'ai bien peur de lâcher quelques termes en anglais qui risquent de me dépasser, moi qui est un francophone pur laine. Puis le pur laine, c'est très mal vu au Québec. Ah oui. Ça, c'est les vieux schnocks là, qui disent « Ah, ben, c'est la séparation du Québec. Passe par le Québec. Faut pas faire nanana. » Puis je trouve que... Je dirais pas plus loin. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Ben, voyons. Mieux vaut réfléchir avant de divulguer. Quoique Brel disait, et ça, c'est vrai, il me l'a dit à moi tout seul, lorsque j'étais avec lui, lui proposer ma bière qui s'appelait le Eddie Mitchell. Vous avez déjà entendu parler de ça, Eddie Mitchell? C'est une Scotch Ale que je faisais moi-même. Je parle au passé parce que j'ai perdu la recette. Mais quand tu ne trouves plus la recette de la première, tu la relances puis tu mets, exemple, Eddie Mitchell 2 Scotch Ale. Donc l'autre là, qui va y goûter, qui va avoir connu la première, va dire, « Ouais, mais il me semble que ça n'a pas le même goût. » Mais non, mais c'est certain, c'est la 2. Il y a eu des modifications, lesquelles? Puis pourquoi la première ne s'assoit plus? Ah, c'était du passé, c'est du passé. Comme disait Gilbert Bécaud, le passé est un passé dépassé. C'est vrai qu'il chantait ça? C'est pas lui qui l'a écrit, là? Qui l'a écrit? Le passé est un passé dépassé. C'était en plus la chanteuse qui chantait avec. Ouais, parce qu'une chanteuse chante, Madame Tremblay. Oui, elle peut jouer la comédie aussi, là. Elle peut être voyante, elle peut être dévoyante, elle peut dévoir tout. Elle dévoile. Ah, moi, je dévoile tout, moi. Même si on veut rien savoir, je dévoile. Mais là, c'est Martine Sinclair, la chanteuse québécoise Martine Sinclair, qui chantait avec lui cette chanson. L'amour est mort, n'en parlons plus. Chacun sa route, chacun sa rue. La connaissez-vous? Le passé est un passé dépassé. Moi, je veux m'ouvrir les veines. C'est pas ça. Et trouver les 25 scènes qui marchent devant mon portique. Moi, pourquoi portique? C'est pas poétique, portique. on va changer le portique. Madame, changez le portique, là. On va avoir, oui, c'est vous. Ben, de l'or, ou même de l'argent, du bronze, ou tout. Mais quelque chose de noble. Soyons nobles, parce que c'est de un, c'est Gilbert Bécaud. Puis de deux, c'est Martine Sinclair. La belle Martine. Laisse-moi t'aimer sur le sable, sur le oreiller. Et lavez-moi de tout péché. Cherchez le rossignol qui sommeille en nous, histoire de nous redonner cette chanson que l'on cherche tant à des moments si pénibles de notre vie. Et j'ai nommé... Tu l'as nommé? Je l'ai nommé. OK, si tu l'as nommé, veux-tu la renommer? Oui, et je l'ai nommé. Tu l'as nommé? Oui. Elle se nomme? Je l'ai nommé. OK. Bon, non, on va pas aller chercher plus loin. Vous pouvez, oui. Alors, comment peut-on chercher plus loin? En la renommant. En la renommant, on redonne un autre chemin, et comme ça, on trouve un second parcours. Ah, mon Seigneur! Hey, ça, c'est vraiment de la haute définition de l'intelligence humaine. Non. L'intelligence n'est pas humaine, mais beaucoup trop humide. Et lorsqu'elle est humide, elle moisit. Elle moisit jusqu'ici, elle moisit jusqu'à l'os, elle moisit et elle amène quoi? Ben, elle amène l'humidité, puis des petites bébêtes, puis des choses pas très belles, là. Là, faut appeler des exterminateurs, puis... Oui, allô? Ouvrez la porte. Oui, hello? Bonsoir. Je suis Reynald de Gagné, exterminateur. Pop. Quand ce disque-là, j'écoutais ça, puis je... Ah! Ça me dérange! Quand... On dirait, tu sais, je suis très... Oui, je suis comme ça dans la vie, moi. Oui, j'ai dû répondre. Oui, j'ai... Quand on sonne... Oui, je réponds. Ça sonne régulièrement dans ma tête. Non, mais c'est vrai, je suis très impulsif. Quand c'est pas normal, bah! Bah! On dit de moi que je suis un volcan. Non pas étant, mais jaillissant. Oui. On dirait, ris-tu ou pleures-tu? C'est entre les deux, monsieur, là. Là, j'évalue. Est-ce que je dois rire de moi ou en pleurer? Rire quand on a envie de pleurer. Prendre un train quand un bateau s'en va. Pour ne pas rester seul sur le quai. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. C'était au mois d'octobre, à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie est sobre, devait se finir là. Raymond Baudouin est venu me chercher avec sa calèche. Et ces deux gibiers pour m'annoncer que c'est ça que nous allions manger. J'embarque dans son véhicule tout terrain. J'avais mal aux reins, mais je cherchais à pas le montrer parce que sa cousine était là. Sa cousine était là. Était là. Là, là, là, là, là, là. Sous mes yeux. Ébahi. Par notre correspondance. Sur plein de choses. Mais la chose que je ne voulais pas oublier, c'était de bien paraître. Arrête de te voir, arrête de t'écouter, puis vas-y, fonce. Il n'y a qu'une vie. Ton existence est unique. Tu ne pourras plus revenir. Lance-toi et ne te rattrape pas. On est arrivé chez lui. Il y avait un beau feu de foyer. On s'est assis devant la table. Il faisait beau. L'ambiance était électrique. Loin du côté synthétique de la vie, souvent quand on la fabrique pour bien se faire paraître, mais là on était dans l'humanisme le plus complet. Il est parti pour qu'on puisse communiquer en disant « Oh, m'envoie mes vaches, je vous ramènerai un peu de lait. Continuez à parler, j'ai plus rien à dire. » J'ai pas rouspété. Je l'ai regardé quitter la maison. Et je me suis placé devant l'autre, devant l'être, devant celle que j'admirais tant depuis bien du temps, bien des années. Pas du temps. Non, j'ai pas fait de temps. Oui, j'ai fait du temps en l'attendant. J'en ai inventé des historiettes. Je m'en suis fait de la mise en scène, puis j'ai bien voulu faire des histoires. Mais ce soir, je suis là avec elle. La communication était si réelle, si authentique. Qu'elle me l'a fait remarquer. Et soudainement, devant cette atmosphère, je me suis rendu compte, nous sommes rendus compte que nous étions faits pour vivre ensemble. Chacun chez soi, mais dans un amour particulier, mais tout aussi fort que dans tous les couples conventionnels. Nous étions différents des autres en le sachant bien, et c'est pour ça que la communication s'est bien dirigée. Nous faisons partie des marginaux, des rigolos pour les autres, mais on s'en foutait, on s'en fout encore, puisque c'est à partir de ce jour-là qu'on s'est lancé l'un à l'autre dans nos bras, dans les bras de celle que l'on a tant aimé et qu'on aime tant, l'amour qui se communique chez nous, elle et moi, si on compare à tout ce qui se passe ailleurs, c'est un amour différent, mais tout aussi fort. Ça ne suffit pas à me faire oublier que t'es plus là. raconterai n'importe quoi, ce sera bien. Oui, c'est Ghislain. Ghislain Bérubé. Oui, mais je sais, je tomberai pas dans le panneau. Ah, j'ai pas tombé dans le panneau. Ah, c'est Ghislain Bérubé. Oh, et là, on apprend nos erreurs. Toi, j'ai jamais appris tes erreurs, là, parce que ça fait 3 fois que je repartais les freins. Moi. Non, mais moi, il n'y a aucun problème avec ça. Puis tu sais que je te fais des prix d'amis. Puis des fois, quand je vois que t'as pas les moyens financiers, je te dis oublie ça. Puis on se reprendra un moment donné devant un bon café. Puis on va parler. Puis on. Ouais, ben voyons. Je le sais. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec tes freins, là. T'as-tu déjà passé ta voiture, ton véhicule à quelqu'un? OK. Il n'y a pas si longtemps, hein? Ouais, c'est le tambour. Hein? Le tambour est usé, ça n'a pas de bon sens. Quand tu prêtes. Ouais, c'est ton fils, je sais bien, mais. Tu sais, fais attention, parce que quand c'est pas notre véhicule, quand c'est pas nos choses, on n'est plus. On est moins attentionné. Hein? On s'en balance. C'est un peu comme si ton fils, à qui t'as prêté ta voiture, utilise le véhicule d'une entreprise pour faire des livraisons de pizza, par exemple. Puis comme c'est pas sa voiture, son véhicule, il fait pas aucun... Il est pas prudent au niveau, tu sais, des freins, hein, du pare-choc. Parce que, tu sais, quand tu tournes, faut faire... oui, le cerveau de direction, des fois, il manque un peu de cerveau. Ouais, ben voilà, il faut ramener ça. Puis il faut être doux avec notre véhicule. Mais je sais que c'est pas de ta faute. Parce que c'est la première fois que je fais... que je regarde ce bolide que tu conduis depuis au moins quoi une bonne dizaine d'années. Hein? Mais tu fais attention à ça. Ah, mon Dieu, tu as fait attention à ton mari aussi prudemment. Ben oui. Il a vécu jusqu'à 72. Ben voyons donc. Ah, le cancer. Hein? On peut pas rien faire pour ça. Non. C'est bien beau préparer de la bonne nourriture comme tu le fais encore pour tes amis. Puis même, tu me l'as fait là, il y a 3 jours parce que j'ai pas pu. Hein? Je te l'avais dit. Hein? J'allais à l'inauguration de ma fille. Ben oui, elle avait préparé un spectacle elle-même. Chorégraphie, musique, tout est... Moi, je connais pas ça. Moi, la culture, là, à part mon Willie Nelson, puis mon Fernand Gignac, le reste, là, je sais pas où ça s'en va, Mais en tout cas, tu sais, il y a des choses qu'on doit laisser aux professionnels, puis elle aime bien ça, tu sais. Et puis, elle m'a invité à m'inviter à voir ça, tu sais, pour applaudir son travail, puis à même, tu sais, son père, c'est sûr que quand t'es le père d'une fille aussi, mais elle, c'est une artiste dans l'âme, puis moi, j'aime pas bien ça, parce que ça va pas bien loin, tu sais, c'est bien sûr, elle me dit, ben, tout le monde dit, papa, tout le monde dit ça, là. Tu t'en vas dans l'inconnu, t'es une artiste, hein, y a pas d'argent qui va rentrer, puis elle m'a dit, hein, elle a pas été gênée, elle a dit, toi non plus, y a pas d'argent qui rentre souvent, là. Parce que tu donnes tes affaires, puis tu fais ça gratis, parce que t'as trop de cœur, puis j'ai dit à ma fille, on n'a jamais trop de cœur. On n'a jamais trop de cœur. Là, elle s'est arrêtée, puis elle a dit, c'est ça, papa. C'est pour ça que j'ai voulu être actrice, comédienne, chanteuse, tout côté de la danseuse aussi, elle fait de la danse contemporaine. Contemporaine, hein? C'est ça, contemporaine, contemporaine, hein? Et puis, tu sais, c'est des... puis elle me dit, c'est aussi difficile que de la danse classique. Je dis, ma petite fille, moi, en T2, contemporaine, classique, ça me dit rien, moi, là. Ça marche avec des tutus? Elle dit, les tutus, on peut mettre des tutus si ça te fait plaisir, papa, là, mais quand j'ai fait la mise en scène, la mise en scène, c'est quoi ça, la mise en scène? Elle dit, là, c'est moi qui coordonnais des artistes pour danser, puis là, ah mon, c'est compliqué, ben c'est ça. C'est pas si facile que ça, ben je le sais, mais c'est pas payant. Elle dit, papa, reviens pas là-dessus. Parce que toi aussi, là, ben beau, là, raccommoder des voitures, là, t'es le docteur de la bagnole, mais tu fais pas beaucoup de sous, toi. T'es plus, comment dire, dans le communautaire. Puis j'ai rien contre le communautaire. J'en ai fait, moi, j'ai été professeur, là, pour la ville de Québec, pendant quoi, 3 ans, j'étais dans le théâtre. On a monté 6 pièces. C'était du Shakespeare, 3 pièces de Shakespeare et 3 de Molière. Et devant des personnes de 14 jusqu'à 52 ans. Pas parce que c'était limité, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui se liaient. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, je ris parce que, oui, quand on a fait, ben oui, le bourgeois gentilhomme, ah, on a cherché le gentilhomme. Non, mais c'était pas... Mais, tu sais, quand c'est les citoyens qui veulent faire du théâtre, faut bien les amener dans quelque chose qui risque d'être à l'aise. C'est ça l'intérêt. Faut pas aller dans l'obscurantisme. Tu connais pas ça. Papa, je sais, je dis des mots que tu comprends pas. Mais, en tout cas, j'aime bien le travail que toi, tu fais. J'espère que tu vas adorer, moi, ce que, de mon côté... j'essaye d'accomplir. Fait que là, voyons donc, moi j'arrive dans ma fille qui me dit ça. Oh! Ça change, là, hein? Ça change un peu. Papa est dans le pneu, papa est dans le moteur, puis papa est dans le cylindrique, et puis, hein? Fait que là, je m'avance. Elle m'avait pris la première place en avant. Ah, mon Dieu, très, moi, parce que là, je jouais, mais, tu sais, je dois m'étirer le cou, puis j'ai déjà le problème, moi, quand je me couche derrière, pour voir les pneus, puis tout ça, ben, c'est pas les pneus, non, c'est le différentiel. Le ciel est très, très bas dans une voiture, le différentiel aussi, c'est pour ça qu'on dit le ciel est différent, c'est pas comme dans le ciel quand tu te couches dans le sable ou dans l'herbe puis tu regardes en haut, il n'y a pas de nuages dans un différentiel, c'est bien beau la poésie, là, mais comme disait Claude Nougaro, parce que j'aime bien Claude Nougaro, quand la poésie se colle à ton cœur aussi, c'est pas ça, là. Tu regardes puis t'essayes de trouver la gouttelette qui dérange. Celle qui fait tripoter la voiture, puis qui fait capoter la personne qui veut que sa bagnole soit numéro 1. Fait que là, je me suis rendu compte que cette improvisation-là que je viens de vous faire part un peu partout comme d'habitude. Puis qu'on risque de se perdre, mais on s'est déjà perdu. On continue ou on s'arrête? Ah! Il y a 50 personnes. Il y a 24 mains levées pour qu'on arrête. Et le reste veut qu'on compte. Ça veut dire quoi, 24? Mais c'est 26. Voyons donc, tu ne sais pas compter. 24 plus 26. 50. Ça ne prend pas la tête à Papineau. Quoique la tête à Papineau, on la remet souvent sur le... faudrait l'arrêter. Papineau, on te laisse tranquille. Capucine aussi. Papineau et Capucine. La comprends-tu? Pas certain, hein? Presque. Ah, oh, mon Dieu, que c'est merveilleux, errance rénaldienne. Avez-vous du plaisir à soir? Non. Peut-être. Je donnerai pas mon commentaire. Comment ça? Vous êtes né en l'air, comme disait Jacques Higelin. Né en l'air, amoureux. Aujourd'hui, le 19 septembre 2022, je vous propose un artiste que je suis depuis le début de sa carrière, en soliste bien sûr, Fergus, qui a changé son nom il n'y a pas si longtemps, il y a presque 18 mois, 20 mois, et qui s'appelle aujourd'hui Tarzan. Oh, oh, oh! Non, mets de l'écho. Jean-Marc, mets de l'écho. Attends, parce que là, je suis pas assis, là, je suis debout. Ben oui, je suis debout. Hey, hey, hey, hey, c'est quoi d'écho, ça? Attends un peu, vas-y. Un. Eh, monsieur. En tout cas, mon ami, c'est, ben non, c'est Fergus. Mais aujourd'hui, appelez-le Tarzan, à toi l'artiste. Te taire comme mouton, moi j'en crève. Mais faudra le dire à personne. À quoi? À quoi? Rêve de rêve. À quoi? Les mots pleins, paroles. Mais faudra le dire à personne. La sirène dans sèche les larmes dans la mer, mais faudra le dire à personne. À toi, à quoi? Rêve nos rêves. À toi. T'as changé ta couleur de cheveux, toi? Élégant. Heureusement, je n'ai pas regardé la cime parce que je serais passé tout droit. Oui, t'as le droit de dire, c'est là. Pardon? Vous en faites. Oui, c'est ça. Moi, c'est là. Mais veux-tu qu'on se passe ailleurs? Je veux. Parce qu'il y a pas mal de monde partout. Ah, ben, et puis, toi, comment ça va? Comment ça va? Oui. Le changement? Non, rien. Le changement? Oui. Quel changement? Mais on va en parler tantôt, OK? Oui, ben. OK. À quelle heure tu vas aller au Saint-Jean? Saint-Jean, allons. Okay. Allons au Saint-Jean. Oui, c'est plus tranquille, hein? Ouais. J'ai vu tes vidéoclips. Aïe. Tu travailles pour d'autres aussi? Le truc que je t'ai envoyé le dernier, là. Oui. Bah, c'est vachement bien. OK. Fait qu'on se dit rien. On se parle pas. Non. Excellent. Ouais, ça me dérange pas ici. Eh ben oui. Hein? T'es arrivé quand? Samedi. Samedi. Ah oui, c'est pas bon. Et je repars mardi. Ah. Sinon, comment ça va? Eh ben, ça va. Combien? Si. Comment t'as vécu tes deux dernières années? Les deux dernières, comment dire, il y a des... En fait, pendant 4 ans, après la mort de Guillaume, t'es mon producteur manager. Ouais. J'étais dans le. Dans le brouillard, enfin dans le. Dans le caniveau. Le caniveau, on va dire. Ouais, très. Ouais. Et donc, il y a maintenant, ça fait un an. J'ai demandé à Nina Morato, je sais pas si tu connais Nina Morato. Oui, ben oui. Mmh. Café, elle s'est rencontrée il y a quelques années. Ouais. Ouais. Elle a travaillé avec beaucoup de personnes, hein, dont celui qui est décédé. Du soleil vert. Tu sais qui? Il y a Chris, c'est pas Christophe, non? Non, mais non, le soleil d'hiver. Là, le soleil vert? Oh, oui. Parce que c'est un film, mais après. Non, c'est. Il est décédé à 92 ans, 93 ans. Henri Salvador? Oui, Henri Salvador, voilà, c'est ça. Elle a travaillé avec lui. Est-ce que tu savais? Non, elle a travaillé avec tout le monde un petit peu. De toute façon, elle connaît tout le monde. Oui, c'est ça. Elle se passe moins avec tout le monde, mais. Et puis, comment ça s'est passé? Comment cette rencontre-là a eu lieu? En fait, je lui ai demandé si elle voulait. En fait, je l'ai croisée, ouais, par hasard. C'était à Bellevilloise. Je vois une nana avec des jouets. Qui vit. T'as vu ça? T'appelles comment toi? T'es qui? Nina Morato. Yeah, bah oui. Mais tu la connaissais de nom? Ouais, en fait, là où c'est drôle, c'est quand mon producteur et mon manager Guillaume et Francis Carcachian, qui s'occupaient aussi d'elle. Et en fait, Guillaume, il me disait toujours, ah, j'aimerais bien que vous travailliez ensemble un jour. Et en fait, ça s'est pas fait de leur vivant, mais non, après, ouais. Mais il avait flairé le truc, lui. Hmm? Il avait flairé le truc. Ouais, il disait que ça pourrait être correspondant. Oh, ouais. Et puis, c'est effectivement ça. Bah, ouais, après, bon, ouais. Donc, je l'invite pour un morceau, puis un deuxième, puis deux morceaux, c'est bon. Et là, elle me dit, Stéphane, Fergus, tu veux pas qu'on fasse un groupe, un duo ensemble? Parce que l'union fait la force. Donc en fait, là, on utilise mes chansons de Fergus, pas mes chansons, hein, oui. Et on les fait en version groupe. Bah, version duo, ouais. Voilà. Et puis, comment ça sonne? Ah bah, bonjour. Je vous prends un demi, s'il vous plaît. C'est juste pour boire? Oui. Je suis désolée, mais je dois vous placer de l'autre côté de la terrasse pour boire. Malheureusement. Oh oui, on va s'en revoir. Ça vous dérange pas? Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me dire comme ça. Moi je vais prendre un coca. S'il vous plaît. Non parce qu'il. Non, il habite pas là-bas. Ouais, ben ouais. Ici? Bon. Ok, là on y reste. Alors voilà, le duo c'est quand même récent, un an et demi. Ouais, c'est pas un peu moins d'un an, ouais. Donc ouais, je lui propose de chanter deux titres. Puis là c'était Comme des Pachas. Ouais. Comme des Pachas. Et l'autre c'était quoi l'autre? Ah oui, un nouveau qui s'appelle Portée disparue. Ah oui, un nouveau titre. Oui, voilà. Ouais. Que t'as antiqué? Pas encore? Hmm? Que t'as pas encore antiqué? Bah en fait là. Et là, en fait, ils sont en train d'être enregistrés, ouais. Ah oui? Ok. Avec Julien Schultes. Aimé. Mmh. Donc il y a Julien Schultes qui s'est mis sur le coup. Mmh. Pas mal. Voilà. On l'a vu hier, d'ailleurs. Ok. Mmh. Et puis? Et il y a aussi, du coup, je ne suis pas encore réveillé, là. On a une attachée de presse. Pour votre duo. Exactement, qui s'appelle Lauriane. Ah, intéressant, là. Mm. Là, ça commence à. Voilà, qui travaillait chez Columbia, tout ça. Ouais. Okay. Et qui était aussi. Là, c'est comme. Ah, c'est un potin. Comme une prise de guerre. Ah oui, ok. Parce que, en fait, c'était c'est l'ancienne manageuse des Brigitte. Ok. Et tu comprends mon histoire avec les Brigitte. Oui. Parce que la Sylvie, c'était la chanteuse de Vendetta, enfin, c'était mon groupe, ouais. Ouais, ton ancien groupe. Et voilà. Et du coup, j'ai. Mais qu'est-ce que ça fait de retrouver un groupe après autant d'années, parce que tu étais avec Vendetta pendant longtemps? Bah, c'est un peu. Comme si c'était le destin, comme si c'était. Ouais, parce que je te racontais, pendant 4 ans, c'était vraiment le désert, c'était. Et là, souvent, il suffit d'une rencontre, donc ça change, ça se débloque. Et en même temps, le même jour où elle m'a proposé de faire ce groupe, en fait, j'ai appris que j'avais un nouvel appartement. Ah, tu restes plus ici ? Non, je suis un peu plus bas, rue de la Victoire. Ok. Alors, t'as pris le métro pour venir ici ? Ouais. Alors, c'est pas très loin. Hein. Ok. Je veux dire, le clip que je t'ai envoyé, c'est... Oui, c'est fait là. Ouais, c'est fait là, ouais. Parce que je devais, parce qu'en fait mon ancien appartement il devait être réhabilité. Enfin, il devait être rénové. Et puis surtout avec le confinement, j'avais plus de sous, je devais plusieurs loyers. Okay. Voilà. Ah oui. Et... C'est cher quand même ici. Hein. Ah, c'est cher, ouais. Puis là-bas c'est un peu moins cher. C'est moins cher et plus grand. Oh, ok. C'est bizarre des fois. Ouais. Puis là, t'es aménagé là depuis un an, même pas. Ouais, ça fait un an. Okay. Ouais, tout juste, ouais. Et tu te sens bien dans ton nouveau. Paris plat. Ouais. Parce que ça monte. Beau, là, c'est. Fait que tu fais moins d'exercice. C'est sûr, regarde. Comme là, j'ai un ascenseur. Et ça, oui. Je fais un peu moins d'exercice, mais c'est. On sent bourgeoise. C'est ce que mes copains me disent. Et puis, sinon, le duo, comment tu travailles tes chansons? Est-ce que tu les gardes comme. Ou s'il y a un couplet que la chanteuse prend et toi, tu prends un autre. C'est ça. Soit on chante souvent les refrains ensemble, puis couplet, soit c'est moi, soit c'est elle. Enfin, on alterne. Et puis elle, est-ce qu'elle est dans d'autres projets ou elle est juste avec toi? Actuellement, elle est avec moi, ouais. C'est Tarzan et Eve. C'est, puis comment s'appelle ton groupe? Tarzan et Eve. Oh, ok. Tarzan et Eve. C'est bien. Tarzan, c'est. Ouais, as-tu déjà pensé à un genre de logo à quelque chose? Les logos, je l'ai fait, ouais. Mais tu l'as pas vu sur le clip? Non. Ouais. Non. Au début. Je vais le regarder. Ouais. Et puis, est-ce que tu fais encore des vidéos pour d'autres? Ouais. Là, j'en fais une pour Eric Fals, ma concubine, ouais. Ben oui. Tu connais, ouais. Ben oui, je l'ai rencontré, j'ai rencontré le groupe. Oui. Puis la chanteuse qui est avec Jean-Faux. Ben, ils sont plus ensemble. Oh. Enfin, ils sont plus ensemble. Eric ne chante pas. Elle est partie, Lizzie. Ah oui. Ouais. Alors, okay. Donc il est tout seul maintenant. Mais elle est encore avec Jean-Faux. Ah oui, oui, ça. Ok, ok, ok. Merci. Ah, je crois. Pourquoi qu'elle... Ah, ben, tu sais pas pourquoi elle a quitté le groupe, elle voulait faire qu'elle... Bah, elle est déménagée, merci. Elle a déménagé à Marseille, je crois, c'est ça, ouais. Avec Jean-Faux? Ouais. Ah oui, ils sont plus... Ouais. À la tienne. Mm. Ah, je pensais que Jean-Faux restait encore à Paris. Bah, peut-être qu'il fait la navette, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont remplacé, non? Non, non, il est tout seul. Peut-être pas plus mal. Ok, c'est plus un groupe, là, c'est rendu un solo. Oui. Mais bon, après, c'était chez Chanson, mais... Ouais. Eh ben, et puis, est-ce que ça roule bien pour lui? Il t'a demandé de faire le vidéoclip de son prochain disque ou... Ouais, qui s'appelle... un clip sur une chanson qui s'appelle Hibernation. Puis c'est son premier disque solo? Ouais, sans elle. Ah, c'est le même solo. Mais je veux dire, sans elle. Oui, ça arrive, oui. Ah. Ben, parce que là, c'est plus rendu un groupe, c'est rendu une personne. Ouais. Mais il a quand même gardé le nom. Oui, ben, c'est son groupe, après, c'est greffe. Hein. Et puis comment ça s'est produit, la rencontre, tu le connaissais depuis longtemps Avec Eric Falt? Oui. Ouais, ça fait longtemps que je le connais, ouais. Je crois qu'on s'était croisé à un concert. C'est un ancien médecin. Ah oui, oui. Ouais. Ah, oui. Ou juriste, je ne sais plus, avocat. Médecin. Ouais, médecin, Médecin, oui. Là, actuellement, ouais. Enfin, là, en fait, il devait faire un clip avec des chevaux. Il a fait, il a dû faire des leçons de cheval. Oui. Et il s'est blessé. Maintenant, il est à l'hôpital. Pendant 15 jours. Voyons donc. Ouais. Pour le clip? Oui, pour le clip. Comme quoi, ça peut être dangereux. Hein. Ben voyons donc. Puis là, c'est le clip que toi, tu vas faire ou... Ben alors, en fait, je vais faire un clip sur une autre chanson qui s'appelle Hibernation. Et je l'ai filmé avec, après, en fait, au Pôle Nord. En fait, tu vois, au Pôle Nord, après, je l'ai mis dans un frigo. Tu travailles de la même façon, là. Toujours l'image transposée. Comment dire transposer? Ben, c'est une image animée. Oui, avec un fond vert, ouais. Et puis avec des dessins, oui. En général. Mais ça, sauf le dernier. Le dernier, c'est avec un drone. Hein. OK. Mais à quel moment ça s'est révélé, ce genre de style-là? T'avais-tu déjà vu ça avant? Ou si tu t'es adonné à faire ça, puis à voir que ça a donné un résultat assez... Ben, c'est la mort de Guillaume, hein, il y a 4 ans. J'avais du mal à refaire des chansons parce qu'à chaque fois que je fais une chanson, je lui ai envoyé. Ouais. Et là, voilà. Et en fait, je dis bon, je vais arrêter la musique. Je vais arrêter de faire des chansons et je vais me mettre à faire des images. Parce que mes morceaux aussi ont besoin d'images. Ouais. Et en fait, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est une sorte de. C'est pour faire le deuil, on va dire. Et donc, là, tu t'es rendu compte que tu avais quand même un talent là-dedans? Je sais pas. Après, c'était. Là où c'était intéressant, je trouve, c'est que. Parce que comme je suis musicien. Ouais. Donc je me mets de la pression, il faut absolument que je trouve un truc, voilà. Mais comme je suis pas un cinéaste, j'étais comme un gamin de 12 ans qui m'amuse. Et j'avais pas de pression, ouais. Même je m'en foutais si je suis un truc pourri, mais toi c'était... Ouais. Essayer. Essayer, ouais. Et puis au fur et à mesure, bah, tu t'améliores. Et Puis les gens te reconnaissent, puis c'est pour ça qu'on te demande de travailler avec toi. Ouais. Bah oui, d'ailleurs c'était bien pratique, parce que pendant le confinement, heureusement que je pouvais faire ça, comme j'avais plus de concerts, plus d'entrée d'argent, grâce à mes clips, en fait, j'ai eu un peu de sous, quoi. Alors, ça, tout ça a aidé un peu à arrondir les fins de mois. Exactement, d'être... Ouais. Puis là, est-ce que tu prépares un nouveau disque ou... on va faire un EP. 5 titres? 5-7 titres, ouais. Et puis, il y a beaucoup de chansons de préparer? Bah, là, il y a Monde de Brut, il y a Les Matelas, il y a Portée disparue, il y a Rue de la Victoire, enfin, ça fait déjà 4 et après. Je sais plus, oui. Là, tu vas en rajouter quelques-unes, encore. Ouais. Bah, ce serait bien d'avoir 12 titres au moins pour pouvoir faire des concerts. Hein. Pour ça, c'est pour la fin de l'année. Ouais. Puis d'ici. On s'est rencontrés, nous, il y a. Ben, avant. Ça, il y a 2 ans au moins, non? Oui, exactement, 2 ans. T'étais encore un peu retiré, tu faisais des vidéos à la maison. Mais t'as-tu toujours continué à écrire? Ouais. En fait, j'écris par, façon, comment expliquer? J'écris pas constamment, en fait, c'est par période. Ok. Voilà. D'ailleurs, je sens des fois l'envie, tiens, hein, ça fait longtemps. Là, il y a quelque chose. Oui, voilà. Ouais. Mais souvent, j'écris parce qu'il se passe des événements dans ma vie. Ben oui. Voilà. Ok. Quand tu sens que ça risque de te déborder, tu prends le crayon. Ouais, c'est une sorte de. Là, par exemple, avec la rencontre de Nina Morato, j'ai écrit deux chansons. Qui parlent plus ou moins des parents qui parlent. Tellement voulu que tu n'aies rien à te mettre. Les mini-jupes, c'est 10 fois trop long. Approche et profitons de ce laps de temps qu'on se mattelle, que l'on s'en mette plein la langue, que je t'avale cru non-stop. Waouh, j'anticipe tes petites hanches qui chalouent et ta bouche par exemple. Fais-moi ta planète, dis-moi tout. Montre-moi ton côté ventre, la la la la. Les mini-jupes, c'est 10 fois trop long. Enlève-moi tout ça et reste à la maison. J'aurais tellement voulu que tu n'aies rien à te mettre. Les mini-jupes, c'est 10 fois trop long. Quand t'es toute nue, sans tes sapes, j'ai la globe qui fait gloups. Enlève-moi tous ces cibas. Waouh, j'anticipe, j'suis comme une bouteille. J'ai le bouchon prêt à pop. Décachette-moi cette enveloppe. On va faire couler beaucoup d'encre. Les mini-jupes, c'est 10 fois trop long. Enlève-moi tout ça et reste à la maison. J'aurais tellement voulu que tu n'aies rien à te mettre. Les mini-jupes, c'est 10 fois trop long. Les mini-jupes, c'est 10 fois trop long. Les mini-jupes, c'est 10 fois trop long. Dont un qui s'appelle Mon Camion. Okay. Par exemple, dans le refrain, ça fait... tu es gros, tu es beau, t'en as sous le capot, tu fais du bruit à faire fuir les oiseaux. Mais si un jour tu tombes en panne, mon camion, je te crève les pneus. Okay. Toujours la métaphore, toujours. Ouais, le côté absurde. Ouais, le double sens. Le double sens. Est-ce que tu as fait des spectacles après la COVID ou... On a fait 2 concerts. Un mini-concert parce qu'on n'avait que 4 titres. À Bellevilloise. Et puis récemment. Ah, puis aussi, on a fait un petit concert chez Patrick Bouchité. Ok. Et l'acteur Jésus. Oh, voilà. Oui. Voilà. Ça, c'est dans le film de. Un long fleuve. Ouais. Ouais. Et puis. Est-ce que tu as beaucoup de musique encore dans tes tiroirs? Parce que tu me disais que la musique venait plus facilement. À un moment donné, tu m'avais dit que la musique te arrivait comme ça, comme par hasard. Ouais, enfin c'est par hasard. Oui, après... Ah. Ça a peut-être changé. Non, en fait, c'est marrant parce que des fois, tes chansons, pendant des mois, tu cherches, t'as une version, ouais. Puis t'en es plus ou moins satisfait, tu sais pas trop. Puis un jour, en fait, c'est un morceau qui s'appelle Aussi belle, ça parle de la mort. Et je sais pas pourquoi, par exemple, je prends le clavier, et puis tiens, je vais faire une autre version. Et là, tout de suite, en fait, c'est mieux tout seul, instantanément. Et après, et pareil, pour les clips, en fait, je fais... Parce que le hasard a du talent. Donc du coup, et en fait, c'est vraiment un laisser-aller. Et après, je fais la même chose avec les images. Peut-être j'ai pioché dans mes images au hasard, et en fait, ça tombait parfaitement. D'ailleurs, sur une image, je suis tombé sur ma fille. C'est fou, tu travaillais sur 2 médiums différents, mais en même temps, tu avais la même idée pour les deux. Ouais, ça se croit. Enfin, ça se... Et d'ailleurs, on va aussi la faire, cette chanson, ouais, en duo. Puis, comment le groupe est accueilli devant le public? Est-ce que ça se passe mieux que quand tu es tout seul? Tu te sens plus à l'aise parce que c'est pas juste sur toi que le spectacle tient? Bizarrement, Les deux concerts qu'on a fait ensemble, j'avais un peu plus de trac que quand je suis tout seul. Pourquoi? Parce que tu sais pas comment l'autre va fonctionner. Exactement, parce que quand tu es tout seul, tu sais ce que tu vas faire. Voilà, parce que l'autre, tu sais pas comment elle va réagir. C'est comme si tu étais dans la face, dans le... Oui, enfin, parce que du coup, quand tu es tout seul, tu es obligé de te débrouiller, tu parles, ouais. Voilà. Ouais. Alors que là, en fait, avec une personne, surtout une femme qui a l'expérience des concerts et puis qui a du bagou. Donc du coup, ouais, c'est le track, c'est dire comment trouver ma place. Ça. C'est plutôt dans ce sens-là, ouais. Et puis aussi, tu veux pas que... C'est comme un chevauchement, tu veux vraiment que ce soit limpide. Mais ça, c'est à force de jouer que ah ben oui. Est-ce que vous pratiquez souvent ou vous préférez lancer ça sur scène puis avoir l'air plus brut que préparé? Ben là, en ce moment, en fait, on a les deux concerts qu'on a fait, c'est en acoustique. Et aussi avec un pianiste qui s'appelle Mehdi, je sais pas si tu connais, il a joué avec Grand Corps Malade, Caio de Giro, tout ça, ouais. Et après, quand on aura les sons, on va jouer avec les bandes, avec un son plus costaud. Un genre d'enregistrement. Oui, voilà, enfin, avec des boucles. Hein. Une boîte à rythme. Une boîte à rythme, oui, voilà, boîte à rythme. Mais, Et puis comme ça va donner plus de sonorité à tes... Bah oui, parce que Julien Schultes, actuellement, il a pris les sons, il est boost. Okay. Ouais, il grossit le son, quoi. Ok, pour donner plus d'ampleur. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a des chansons que tu as retirées de ton répertoire depuis le temps? Bah, évidemment, ouais. Enfin, après, avec le temps, en fait, tu fais plein de morceaux, puis après, avec le temps, il reste. Ça arrive automatiquement. Oui, voilà, oui, c'est. Est-ce que tu as le goût de reprendre des chansons de Vendetta? Oh non. Pourquoi? Le groupe n'est plus là, les chansons n'existent plus. Franchement, c'est un truc. Mythique. Bah, c'est comme si ce serait comme si revenir dans le passé, ce serait bizarre. Ou alors ce serait pour un. Bon, je sais pas. Après c'est marrant parce que j'ai écouté une interview de Sylvie Stone Waro qui parle de Vendetta. Ok. J'ai essayé de trouver des bandes sonores, des disques de CD de Vendetta, ça existe pas. Bah ouais, c'est ça que. Est-ce que c'est réédité? Est-ce que. Bah comme la maison de disques est morte. Aussi, enfin, c'était Francis Carcachan, il n'y a plus rien, ouais. Même pas sur Internet. C'est comme moi, Fergus, l'album, on ne le retrouve plus. En fait, ce qui se passe, quand l'artiste est mort, les maisons de disques... Mais évidemment, quand les artistes sont morts, les maisons de disques profitent de... Oui. Voilà. Ok, mais quand c'est un... Mais quand c'est la maison de disques qui meurt, en fait, l'artiste... Ah oui, c'est vrai. Il disparaît avec. Mais on ne peut pas trouver aucune trace du groupe Vendetta sur Internet. Bah si, sur YouTube il y a des petits concerts, il y a French Kiss. Oui, mais les chansons ça peut pas être diffusable à la radio. Ouais, mais après... Et tu penses pas, toi, reprendre les bandes puis les éditeurs, Bah c'est vrai qu'actuellement, hier en fait, on était en réunion pour monter une maison de disques et une maison d'édition aussi, ouais. Avec qui? Bah avec Julien Schultes, avec aussi Bertrand qui est à Speedy à Maladami. Ouais, puis aussi attaché de presse, Lauriane et Marion. Toi, tu veux que ce soit une maison de disques puis une maison d'édition, de livres et de disques. En fait, maintenant, les majors, elles ne marchent plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, une major pouvait développer un artiste. Oui. Voilà. Là, actuellement, ce qui se passe, l'artiste est obligé de tout faire. Oui, ça c'est tout voilà. Le monde en parle. Et quoi? Et créer un petit label. Et aussi une façon d'être subventionné, tout ça. Ouais. Puis trouver des salles aussi. Exactement, ouais. Tout trouver. Ouais, pour avoir un truc plus. Ouais. Quitte à te racheter après. Je sais pas qui, mais. Ouais. En fait, c'est. Et c'est fou, hein, parce que on en parlait tout à l'heure avec un jazzman. Lui, trouver une salle, trouver le moment de pratiquer, trouver l'inspiration pour écrire, trouver un moment pour en disquer, puis trouver des musiciens pour faire le disque, c'est. Pour pas grand chose, hein. Bah oui. Oui, oui, c'est... On est obligé de tout faire. C'est pour ça que l'union fait la force. OK. Et tu veux greffer plusieurs artistes à ton organisme? Ouais. Il y a Marion, par exemple, une chanteuse, qui est prise là pour The Voice, par exemple. Après, pourquoi pas Arsène Perbost. Je sais pas si tu connais Arsène Perbost. Non. Ah, faut que je fasse découvert. Il oui. Faut que je fasse écouter, ouais. OK, parfait. Ouais. Il reste à Paris? Pour l'instant, ouais. Et tu te connais depuis combien de temps? Arsène Perbost? Ouais. Ouais, je sais pas, 5 ans. Ah, c'est plus, peut-être 10 ans même, ça passe vite, hein. Et là, pareil, je lui fais un album. Tu lui fasses un album? Ouais, je lui arrange les chansons. Tout? Paroles et musique? Ah non, juste l'arrangement. Lui, il fait les paroles. Ok. Il fait la musique, puis des fois, la musique, je... je la change complètement, par exemple. Ouais. Triste. Est-ce que tu le connaissais? Non, je l'avais croisé. Hein. Ah, lui, c'était un. Comment dire, ça existe plus, les chanteurs comme ça qui sont vrais, enfin, qui sont authentiques. Est-ce que tu l'écoutais? Ah, ouais. Les yeux de ma mère. Ouais. Par exemple. Puis les filles du bord de mer. Ouais, c'est une reprise d'Adamo. Ouais. Mais la version d'Arnaud est meilleure que celle d'Adamo, c'est quand même... Ah bah, oui. Parce qu'il est... À Torche Plus. Oui. Torche Plus. Donc, quand tu vois des artistes comme ça, des gens qui sont authentiques, un peu comme Gainsbourg, qui quittent, il en reste de moins en moins. Bah, Jean est mort, enfin, Bachung est mort, oui, c'est... C'était des libres penseurs. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est consensuel. De Bernard Lavilliers jusqu'à Catherine Ringer. Mais la mort fait partie de la vie. Ouais. Et toi, quand quelqu'un meurt, un artiste meurt, est-ce que tu réfléchis sur ta propre mort? La mort, j'y pense tous les jours. C'est une façon la aussi tienne ou celle des autres? Bah, les deux. D'ailleurs, la mort des autres est bien plus douloureuse que la nôtre. Oui, parce qu'on s'en rend pas compte. Déjà. Mais comment tu envisages la mort? Justement, la chanson que j'ai faite qui s'appelle Aussi Belle, ça parle de la mort. Parce qu'il y a peut-être 7 ans maintenant, j'ai failli mourir. Tachycardie, du cœur qui battait. À 7h du matin, mon cœur il fait boum boum boum boum boum boum. À 11h du matin, mon cœur boum boum boum boum boum boum. Et ma copine de l'époque, elle m'a dit, ce serait peut-être bien que tu ailles à l'hôpital. Et en fait, moi j'ai eu l'idée, faisons l'amour, comme ça va peut-être passer. Et en fait, c'est l'inverse. Parce que t'as activé ton corps. Oui, voilà. N'importe quoi, mais bon. Ouais. Et après, en allant aux urgences, je me fume une clope aussi. Tout pour... Des choses à ne pas faire, c'est ce que t'as fait. C'est un peu ça. Et une fois aux urgences, ils m'ont pris tout de suite. Ah oui. Fait que t'es pas resté longtemps. Ils t'ont comme... J'étais tout blanc, tout... Ils m'ont tout de suite vu que j'étais pas bien, quoi, tout de suite. Effectivement. Et là, ils m'ont fait une piqûre en me disant, votre cœur va s'arrêter de battre. et après ça va revenir normalement, enfin non, de façon normale. Hey, c'est fou. Et en fait c'était l'inverse, c'était encore pire. Et là j'étais là et les médecins, ils étaient 6 autour de moi, ils faisaient une tête, ils n'avaient pas l'air, comment dire... Plutôt convaincant, ouais. Il n'y avait pas l'air convaincant. Et en fait moi je leur disais, écoutez, j'ai trépassé mais tout va bien. En fait, puis j'avais mal. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais passer derrière les murs. Et en fait, j'avais pas peur. T'étais prêt? J'étais prêt, mais ouais, c'est pas la peur qui m'effrayait, c'est plutôt la douleur. Ah ouais, ok. Mm. Tu voulais pas souffrir. Ouais. Et j'étais vraiment l'impression que j'allais passer de côté, mais ouais, sans panique en fait. Et après, j'ai dit, bon, j'ai comme une fille. J'ai ma fille, je peux pas la laisser. Peut-être aussi ça que je. Ah ouais, mm. Ouais. Et là-bas, ils m'ont dit, 20 minutes plus tard, vous étiez mort. Ah oui. Et donc, quand ça t'arrive, ouais, tu changes de vision. C'est plus la mort, elle devient présente. Mais, comment dire, la mort, de toute façon, c'est pas un truc morbide. Parce que, ouais, et les gens qui sont dans le déni de la mort ne vivent pas. D'ailleurs, on est vachement là-dedans, notre civilisation ne supporte pas la mort. Contrairement à l'Afrique. L'Afrique, oui. Est-ce que ça t'a. Est-ce que ça t'a permis de mettre de côté peut-être les petits côtés suicidaires que tu avais avant? Les petits côtés? Suicidaires que tu avais avant? Non, je ne veux pas au côté suicidaire. Enfin, plutôt des fois des phases de spleen, hein, mais ouais. Pas suicidaire. Enfin. Parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, on va finir par mourir. Oui, tu peux provoquer ta propre mort. Ouais. Il y a des gens qui se suicident, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la mort. C'est bizarre. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Oui, après. Non, mais après, en fait, moi, les choses négatives, hein, les trucs qui m'arrivent, des trucs. J'en profite pour faire des chansons. Ok. J'essaie de sublimer les trucs qui sont pas très cool. Ah, ouais. Et moi? Pour faire des choses. Mais c'est pour ça que j'aime bien avoir dans les une chanson une part sombre, et quand t'as une part sombre, c'est comme ça que tu peux donner la lumière. Est-ce que t'as plus d'envie d'écrire qu'avant? As-tu plus envie d'écrire qu'avant? Bah, pas spécialement, parce que actuellement, comme j'ai pas mal de chansons, maintenant il faut les produire. Ok, voilà. Là tu veux t'arrêter. Faut que je stoppe, parce que sinon après... Si je as-tu aussi la musique qui est rattachée à ça, ou t'as juste les paroles? Bah, généralement, je commence par les paroles, une petite phrase, un petit couplet, après je fais une musique, et après... Tout le reste suit. Voilà. Puis des fois aussi, sur l'arbre qui cache la forêt, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai d'abord fait un dessin, une ambulance, okay. Qui partait dans la forêt, et là, ça m'a donné l'idée pour faire la chanson. Après, généralement, on fait... Mais là, c'était rendu que le dessin amène les chansons. Ah, oui, j'ai fait l'inverse. Enfin, mais en même temps, c'est... Tu fais le vidéoclip avant la chanson? Je me termine une fois, oui. C'est fou. Est-ce qu'il existe le vidéoclip? Ah ouais, ça s'appelle L'arbre qui cache la forêt. Je t'ai raconté qu'il y a quelque temps, j'allais voir des colloques de scientifiques, dont Jean-Marc Jancovici, Mathieu Ozano, okay. Arthur Keller. Justement après, parce qu'en fait, avec mon album, là, en fait, je vais pas forcément écrire des chansons en cours d'amour, des chansons de relations homme-femme. Donc je suis allé voir ces scientifiques. Ah oui. Je suis allé raconter, c'est vrai. Oui, ben oui, mais continue, vas-y. Et d'ailleurs, Joël Lecomte, qui m'a emmené là-bas, elle m'a dit on a besoin des artistes comme vous. On a besoin pour raconter, avoir un autre récit. Préparer le terrain. Ouais. Par exemple, je voulais faire une chanson. Qui pourrait s'appeler Allons faire pipi, allons pisser dans les champs. Parce qu'en fait, maintenant, on pisse dans les toilettes et l'urine s'en va directement à la mer. Oui. Et en fait, ça, c'est de l'engrais. C'est vrai. L'urine. Donc, enfin, c'est un exemple. Oui. Mais pourquoi tu t'intéresses à ce sujet-là? Parce que c'est dans le monde dans lequel on vit. Ouais. On est dans le même bateau. Ouais. Et les artistes, c'est là aussi pour éveiller, pour montrer les choses. Ouais. Donc, si les artistes ne font pas ça. Ce que j'ai. Ils sont utiles. Bah, non, mais après, il y a plusieurs artistes. Soit soit tu divertis, soit tu. Des fois, tu peux même s'y informer, même si c'est une goutte d'eau. Mais je pense que ça peut faire du bien. Déjà, ça me fait du bien, puis je peux faire du bien aussi aux autres. Oh, et si ça te touche à toi, ça va te toucher les autres. Bah, oui, puis actuellement, par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Monde de Brut, prépare-toi à ta chute. Mais Brut sans eux. Okay. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le pétrole? Ouais. on va terriblement en manquer. Effectivement. Et puis le prix qu'il est, c'est fou le prix de l'essence. Ah ouais, et c'est pas prêt de, prêt de s'arrêter. Ouais. Mais en même temps, il faut réfléchir sur un autre mode que l'essence. Ouais. Mais en fait, moi, c'est pour ça qu'il faut avertir les gens avant qu'ils paniquent. Ouais. Si tu avertis qu'on va justement être une sorte de décroissance et qu'on va se les cailler cet hiver, il faut être préparé quand même. Au même titre que le réchauffement planétaire, le réchauffement climatique. Là, au Canada, il a fait 50 degrés, c'est ça? Oui. C'est horrible. Oui. C'est inimaginable. Ah, mais les glaciers, c'est presque terminé. Les phoques, il y en a de moins en moins. Les ours blancs, on les perd. L'hiver, on en a de moins en moins. C'est ça qu'il faut préparer. Il faut préparer les gens à ce changement-là. Oui. Puis surtout, on ne fait pas grand-chose pour que ça modifie, hein, pour que ça se modifie. On continue de surenchérir, de jeter des trucs, d'acheter à profusion. Alors, il y a un monde fou. Par exemple, quand je suis allé voir le colloque, il y avait une sorte de... Il y avait un mec qui parlait et qui me posait la question à savoir si le papier, on l'utilisait moins ou plus avec Internet. Et en fait, on l'utilise beaucoup plus. Avec Amazon, le carton, tout. Puis surtout avec les imprimantes. Les imprimantes. Donc c'est pas pour régler. T'sais, ça peut régler grand chose. Non, c'est pire. Et tout est comme ça en fait. Puis le cybernétique commence à tuer l'humanité. Les gens sont plus cybernétiques qu'humanistes. Parle plus derrière un écran qu'on peut parler devant un café ou une bière. Puis maintenant, par exemple, t'as les gens, t'as le truc genré. On ne sait plus si tu es un homme ou une femme. Effectivement, on coupe tout. Je m'applique dans l'essentiel. Passion visuelle, j'ai des vores du regard. Je t'attends sur le quai de la gare. Je succombe au charme, je succombe au comble. Un monde sans lady serait un monde en lady. Je les veux toutes les mêmes. Toujours à l'heure, toujours à l'heure. Les déceptions aussi, l'une va pas sans l'autre. J'ai des vores du regard, j'irai bien voir ailleurs. Un monde sans lady serait un monde en lady. Je les veux toutes les mêmes. Un démon dans le midi. Chacune d'elles me traverse. Me désoriente express. Toujours à l'heure, toujours à l'heure. Les déceptions si l'une va pas sans l'autre. Un monde sans lady serait un monde en lady. Je les veux toutes les mêmes. Depuis que tu es parti, je les dévore du regard. Je les dévore du regard. Depuis que tu es parti, un monde sans lady serait un monde en lady. Je les veux toutes. coupe tout, ouais. On déshumanise. Ouais, c'est étrange. Oui. C'est pour le... Mais à mon avis, s'il y a ce mouvement, c'est justement par peur de la mort. Si t'es plus seul, du coup la mort n'existe plus. Ouais. Après, il y a un côté, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous explique, on va vivre pendant des... On va être éternel. Quoi, le lifting aussi, ça amène ça. La ouais. jeunesse éternelle. Mmh. Hein, on se fait faire le visage, ouais. on s'étire. Mmh. Ouais. Croyant, surtout mmh. que les gens qui se font faire ça s'imaginent que personne ne va s'en rendre compte. Bah ouais, puis genre, c'est... Il y a comme un problème là-dessus, là, de représentation et de vouloir tout le temps rester jeune. Pourquoi toujours rester non, jeune? Non, mais c'est souffrir. Oui. Il faut l'accepter. Les autres aussi. Ouais, t'es obligé. Enfin, faut accepter. Faut être dans le deuil de plein de choses. Oui. Sinon, tu. C'est comme là, il va falloir faire le deuil du pétrole. Oui, effectivement. D'ailleurs, un truc qui est étonnant, c'est que. Par exemple, Macron, il a dit. Qu'on va se couper du pétrole, se couper du gaz, plus de nucléaire, il n'y aura pas d'impôts, mais il y aura une croissance quand même. Ouais. Comment tu fais? Puis en même temps, ce qui est épouvantable, c'est que pendant la COVID, il y a eu 2 années où l'économie était morte, était arrêtée. Puis on nous disait avant la COVID qu'on n'avait pas un sou, mais pendant 2 ans, on donnait de l'argent à gauche et à droite. La planche à billets, oui. Non, mais elle est où l'argent? Quel est cet argent-là? Pourquoi on nous a fait croire pendant des années que l'on n'avait pas un sou? Puis là, c'est bizarre. L'économie est stagnante pendant 2 ans. On paye les gens à rester à la maison et on dit encore que le gouvernement n'a pas d'argent. Oui. Mais où ils prennent l'argent? De toute façon, l'argent n'existe pas, mais... mais après, c'est la planche à billets. Mais à force de faire ça, t'auras l'inflation et ton PQ, il va pas être à 2 euros, il va être à 10 euros. Ouais. Oui. C'est on a oublié le passé. Vive les bidets. Oui. En Allemagne, c'est ce qui se passait avant la guerre. C'est ouais. qu'il y avait une inflation pas possible. Non, avec, oui. avec, tu vois l'image avec la boîte, avec les ouais. pièces. Mais c'est ça en fait, c'est donner de l'argent qui n'existe pas. Parce qu'avant, l'argent était évalué par rapport à l'or. Oui, c'est ça. Et l'argent, et maintenant, il est évalué à. C'est vraiment rien. Après, c'est l'économie, hein. C'est un peu compliqué aussi. Hein, Mais c'est pas compliqué à savoir. Pourquoi que l'on disait pendant des années qu'on n'avait même pas un sou, puis là, on s'est rendu qu'on peut s'arrêter de vivre pendant 2 ans, puis on distribue de l'argent. C'est complètement cinglé. C'est ça, oui, de toute façon. Et puis surtout de voir comment les gens, pendant ces 2 années-là, ont rien fait, ont écouté, ont été dociles, n'ont pas sorti du créneau. Mais en France, actuellement, les Français, ce sont des héros. Des héros? Des veaux. Des veaux, ben, c'est Charles de Gaulle. Oui, des veaux, oui, plus des veaux. Ben, nous, on dit des moutons. Un mouton aussi. Mais c'est Charles de Gaulle, je crois, qui disait des veaux. Oui, les veaux, oui, c'est ça. Pour changer d'animal. Mais moi, je me disais pendant ces 2 années-là, il y a quelque chose qui va se passer. Une rébellion, mais pas du tout. C'est bizarre. Hein. Ouais, tout le monde était masqué et heureux. Tant qu'on a à bouffer au Carrefour, dans les magasins, tout va bien. En fait, on fait révolution. Mais c'était essentiel. Hein. Ouais. Je sais, moi, je travaillais dans ce milieu-là, donc j'étais essentiel. Mais ceux qui travaillaient dans les bureaux, eux... était à la maison confinée, ils ne pouvaient pas sortir après 18h, sauf nous. J'avais ma feuille, je me faisais arrêter par la police, je remettais la feuille. C'est fou. On serait cru en pleine guerre. Ça, c'est ouais, une guerre. On te demande l'identité, c'est ton identité. En pleine guerre, mais sans bombardement. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en Ukraine, par exemple, là, c'est vraiment la guerre. C'est une bombardement. Il me semble que, d'après moi, c'est plutôt idéologique. Idéologique. Ils profitent de ce genre d'événement pour, en effet, pour contrôler, je sais pas. Mais je trouve sincèrement que ça ressemble à du George Orwell 1984. Ah bah, on est en plein dedans, hein. Oui. Et puis aussi, Idiocratie. Je sais pas si tu connais ce film. Idiocratie. En fait, c'est un film qui se passe en 2050, je sais pas quoi, un peu plus loin. Français ou américain? C'est américain. Et en fait, tout le monde est devenu idiot. Nous y sommes. Nous y sommes. Et les gens qui, eux... En fait, il y a des gens qui sont tellement, ils sont tellement persuadés qu'ils sont dans le camp du bien qu'ils peuvent se permettre d'être méchants et haineux. T'as ce que je veux dire? Et ceux qui revendiquent sont poussés et repoussés pour ne pas être entendus. Eh oui. Pour pas activer la foule. Bah, c'est comme Macron qui a dit écoutez pas les Cassandres. Oui, c'est ça exactement. Ouais, mais les Cassandres, bon, ils ont raison. C'est alors soyez dans le moule, si vous ne l'êtes pas, ben on vous dégage. C'est ça. Ouais. Exactement. Mm. Votre discours ne s'endra pas à nos oreilles frileuses. Voilà. Ouais. Et puis comment tu as vécu ça, toi, c'est... Ouais. Je voyais le truc. En fait, pendant 2 ans, j'avais fait déjà des réserves, des tons, tout ça. Et d'ailleurs, les gens pensaient que j'étais fou. Tu veux dire, vous, tu fais des réserves. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, oui, c'est un début de ce que je pouvais imaginer. C'est une réserve l'avenir, c'est ça? Voilà. Et non, j'étais... Et en fait, j'étais dans un état un peu dépressif, on va dire. Et puis finalement, que tout le monde soit confiné, c'était tiens, tout le monde est à la même enseigne. Ok, ouais. Donc, ouais, je suis pas seul à souffrir. Exactement, il y avait ce côté. Ouais. Alors, tu étais heureux de voir les gens qui pouvaient pas heureux, ce que tu pas. Non, mais tu étais conscient que les gens vivaient ce que toi tu vivais. Voilà. Mais après, j'ai pas eu peur, parce que justement, je t'ai averti. Et ce qui a étonné d'ailleurs une amie, parce qu'elle a été étonnée que non, moi j'ai pas peur, je pressentais qu'il allait se passer quelque chose, pas forcément un virus. Mais d'ailleurs, dans l'arbre qui cache la forêt, je l'ai fait en 2019. Donc en fait, mon message était à l'ambulance qui croise des arbres en forêt, des arbres en feu. Et dans l'ambulance, t'as un sapin. Donc déjà, il sauve un arbre qui est mort. Ouais. Et en fait, dans cette chanson, ce que je voulais raconter, c'est que à force de déforester, en fait, les virus vont arriver. J'ai mis à l'hôpital, tout ça. Ouais. Et 6 mois plus tard, c'est ce qui arrive. Hier, c'est marrant parce que quand je faisais montrer ce clip à des gens, ils disaient « Ah, tu l'as écrit par rapport au virus ?» Non, non, c'était avant. C'était avant. Mais à la fois, c'était aussi une bonne nouvelle. Enfin, ce monde s'arrête un petit peu. L'économie. Ouais, tout. Enfin, on freinait. Il y a moins de voitures, ouais. Moins de... La pollution, ouais. Mais après... aussi, d'être avec les gens avec cette... Parce que... aussi, avant, j'avais un slogan qui... J'ai un slogan qui dit « Puisque tout est foutu, tout est possible. » Oui, ben oui. Avant le confinement, quand je disais ça, les gens étaient... Oh, c'est pessimiste. Maintenant, les gens prennent ça pour un truc optimiste. Je veux dire. Mais trouves-tu que ça fait penser un peu à celui qui est abstinent, qui a arrêté les drogues et qui reprend après, mais qui s'en chauffe plus et il fait une overdose. Ah oui. Là, les gens ont été confinés, puis là, on dirait qu'ils se rassemblent, ils s'embrassent. C'est comme si tu reprenais l'overdose. Ah bah oui, bah, les drogués. Ouais. Le monde de brut, je parle de ça. C'est, en fait, on est tous drogués au pétrole, tous drogués à consommer, tout ça. Parce que si tu ne consommes pas, tu comprends, tu n'existes pas. Exactement. Plus tu consommes, plus tu es représentatif de ta société. Ce qui est triste. Oui, ben oui. Parce que l'homme n'est pas là pour uniquement travailler et consommer. Il est là surtout pour s'éveiller. S'épanouir. Ouais. Effectivement. S'éveiller, c'est pas s'ouvrir à... Mais ça, c'est pas un discours que l'on tient, parce que ce qu'il faut, c'est endoctriner le peuple, le faire travailler, le faire payer le plus possible pour que le rouage économique pour ça dessus. Puis moins il réfléchit, plus il est docile. Plus il est docile, moins il revendique. Moins il revendique, plus il ressemble à tout le monde. Plus il ressemble à tout le monde, plus c'est réconfortable. Oui, ben oui, c'est très humain. C'est fou, hein? Mais sauf, comme bien un détail, c'est qu'on va manquer d'énergie. Donc comment continuer à ce système qui ne pourra plus fonctionner, quoi. Puis, surtout qu'on n'a pas de plan B. Bah non, il n'y a pas d'autre... C'est bien beau parler du côté hybride, là. La modification entre... oui, OK, c'est à essence, mais ça peut être électrique aussi. Après, on a une connerie. Puis une voiture électrique, chez nous au Québec, quand il fait moins 40, je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Moi, j'ai un scooter électrique, puis à moins 10, je ne peux même pas rouler. Et puis une voiture électrique, c'est en fait... C'est beaucoup plus de... C'est pour la pile? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec la pile après? C'est quoi? C'est 10 tonnes pour chaque voiture. Ah, oui. Tu détruis 10 tonnes de terre, enfin de, t'as les montagnes arrachées pour oui. récupérer des, pour ces batteries, ouais. Oh, même titre que les ordinateurs, les puces. Et après on dit que c'est propre. Ouais. Ben, ah, c'est oui, pas c'est propre ça. Du tout. Ah, oui. Non, non. C'est-à-dire, c'est hypocrite. Enfin, c'est pour se donner bonne conscience. Tu me souris que sur les photos, quoi que tu en dises, sans aucun défaut. Tu pleures à ta guise. En simili crocodile, les mortes eaux. Tes rêves, un bateau qui reste à pied. Arrête ta mélodie, toujours la même. La même parodie. Arrête ta mélodie. Toujours la même. La même parodie. Des bonheurs en friandise. De la guimauve. De celle qui colle aux gencives. Quand t'es sur la photo. Quoi que tu en dises, tes rêves d'intérieur meublés en kit. Arrête ta mélodie, toujours la même parodie. Arrête ta mélodie, toujours la même. La même parodie. On ne choisit pas sa vie. Sur catalogue, ma chère. Arrête ta mélodie. Toujours la même parodie. Arrête. La même parodie. Arrête ta mélodie. Arrête ta mélodie. Toujours la même parodie. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.